بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ المطلق المقيد المطلق المقيد نعم والمطلق ما هو؟ ما دل على الحقيقة بلا قيد صعب منه نعم أت مثالا من كلام مطلق تكريم الطلاب أو فتحرير رقم أكرم الطلاب أو أكرم طلابا أكرم طلابا طلاب عام طلاب عام يا أل و المجم... المقيد المقيد ستكون ما دل على الحقيقة بقيد quand tu disais par exemple on avait vu l'exemple avec l'esclave l'écharpe de Moukmine par exemple sur le tu en fait tu spécifies une chose allez ouais taqyid yakun al mutlaq mais yakun al takhsis li al am et c'est quoi le amal avec mutlaq comment on agit quand love mutlaq on applique jusqu'à temps qu'on ait quelque chose qui nous montre un taqyid jusqu'à temps qu'on ait un taqyid justement non نواصل الآن سنأخذ المجمل والمبين وظاهر ومؤول إن شاء الله قال تعريف المجمل مجمل لغة المبهم والمجموع يعني مجمل قلنا نشوف مجمل نعرف سبيل نشوف كي فاغ امبريسيز فاغ امبريسيز واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره donc c'est quoi اصطلاحا المجمل c'est ce dont le sens voulu et précis apparaît ailleurs à travers autre chose dans une par une désignation ou par une description, ou par un dénombrement, مثلاً. Comment ça يأتي في الأمثلة. مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى ومنطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر فيحتاج في تعيين أحدهما إلى الدليل. Donc un exemple d'une chose qui a besoin d'être désignée où Allah, dans le sens, il dit que les femmes divorcées doivent attendre une période de 3 kourou. Donc là, le love par, qui est le jam, c'est kourou, c'est un terme qui est commun, qui s'applique sur les haïd, les menstrues, ou sur le tohr, qui est la purification, ou certains disent le mois. Les mois. Donc là, on a besoin de quoi? D'une désignation de quel des deux qui évolue dans Kourou, là dans le verset. Donc là, c'est Moujmel. Et des fois, cet Ijmel, son tabiyin, il vient dans un autre verset, ou un autre hadith, ou autre chose. قَالَ وَمِثَلْ مَيَعْتَجُ لِغَيْرِهِ فِي بَيَنْ سِفَتِ قَالُهُ تَعَلَى وَأَقِيمُ الصَّلَةِ فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان. Un exemple, ce qui a besoin d'être décrit en précision, كفيكولاي عز وجل, dans le sens où il dit, il a compris la salat. Donc maintenant, le comment de la salat est une chose qui nous est ignorée à la base. Donc on a besoin de quoi? D'un éclaircissement. Comment faire la salat? Ça c'était, bien évidemment, en début. Maintenant, aujourd'hui, alhamdoulilah, on sait la faire. Mais quand on te dit, mais c'est là quelqu'un qui ne connaît pas, tu dis, Aqim al-Salah, il va dire, comment je la fais? Comme ça va venir, Inch'Allah. Un exemple, ma yartaj le ghaydi fi bayan miqdarihi, qu'allahu ta'ala, wa atu zakah. Fa'inna miqdar al-zakat, al-wajiba, majhoul, yartaj le bayan. Une chose qui a besoin d'un dénombrement, également d'une précision, du dosage, hein, et acquittez-vous de la zakah. Enfin, la zakah, on ne connaît pas sa quantité, son dosage, combien on doit donner. Kadhalik. On sait qu'on doit la donner, on ne sait pas combien on doit donner. Donc il y a besoin de quoi? D'un bayen. Yartajil et bayen. Donc ça, ce sont des alfaz mujmala. Ta'arifu al-mubayyen. Al-mubayyen l'oratan al-mudhir al-muaddih. Donc le mubayyen, c'est une chose qui a été éclaircie. D'accord? Une chose qui a été éclaircie, qui a été clarifiée. واستلاحاً ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعض التبيين. C'est une chose dont le sens nous apparaît clairement, soit par la base du mot employé, ou alors après qu'un éclaircissement ait été fait. مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع لفظ سماء أرض جبل عدل ظلم صدق. فهذه الكلمات ونحوها فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج لغيرها في بيان معناها. Donc un exemple de choses qu'on connaît depuis la base qui sont claires, comme مثلاً le terme ciel, terre, montagne, justice, injustice, véracité. Ces termes-là en eux-mêmes sont clairs. Ils n'ont pas besoin d'autre chose pour être éclaircis. ومثال ما يفهم المراد منه بعض التبيين قوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. Et maintenant, ce qui a été compris après un éclaircissement, qui est devenu clair pour nous, pour qui a appris, on va dire, qui a reçu le tabiin, la parole d'Allah dans le sens où il dit, et accomplissez la salat, et acquittez-vous de la zakat. Feina al-iqamat wal-ita kullun minhuma mujmalun, walakin al-shari' bayyanahuma, fasara lafzuhuma bayyanan ba'd al-tabiin. Donc là maintenant, ça revient à ce qu'on disait au début. S'acquitter de la salat, de la zakat, et accomplir la salat, à la base, sont des choses qui étaient mujmala. Après, la législation est venue nous montrer comment faire la salat et comment rendre la zakat. Donc maintenant, le terme salat pour quelqu'un, il est connu. Il sait comment faire la salat. Et le terme zakat pour quelqu'un qui a appris, il est connu par la suite. Une fois qu'il a pris un tabiyin, c'est devenu connu pour lui. Maintenant, c'est nisbi. T'as des gens qui ne savent toujours pas. Un nouveau en islam, il vient de rentrer, ou un jahil qui n'a jamais appris. Pour lui, c'est mujmal au début. On dit fais salat. Il dit comment je fais salat. Tu lui expliques. Après, à chaque fois qu'il entendra le mot salat, il sait ce que ça veut dire salat. Tout de suite. قال العمل بالمجمل, comment on doit agir face à un مجمل? يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. Donc le مكلف, quand il a entendu un قول مجمل, il doit être déterminé à l'appliquer dès qu'il aurait quoi? Un éclaircissement. Qui t'a demandé? Qui t'a demandé? Comme un nouveau, en islam, on le dit, ya akhi, l'islam, c'est parmi les arcanes de l'islam, puis l'islam, que tu fasses la salat. Et il dit, je sais pas, en fait, comment on fait la salat. Mais dans son cœur, il est déterminé à faire la salat. Mais il veut qu'on lui apprenne, qu'on lui exercice. Ou autre chose, un cas qui est plus fréquent, le hajj. Combien de gens savent que le hajj, c'est wajib, c'est un rokn bel de l'islam, mais ils n'ont pas appris parce qu'ils disent c'est pas encore le moment que je fasse le hajj, je n'ai pas encore les moyens de faire le hajj. Donc pour le hajj, c'est une chose qui est mujmel. On dit je vais faire le hajj. Mais dans son cœur, il est déterminé à apprendre en détail le jour où il sera en mesure de faire le hajj. Mais au début, c'est mujmel. On dit je vais aller à Mecca faire le hajj, mais le hajj pour moi, c'est mujmel, je ne sais pas c'est quoi, comment on s'y prend. Après, t'en as, ils apprennent avant de le faire, alhamdoulilah. Parmi tout le label, ils apprennent avant de le faire. Et t'en as d'autres, ils disent, quand viendra le temps, inshallah, j'apprendrai. Donc, pour l'instant, pour moi, c'est Mujmel, le Hajj. Il connaît certaines choses qu'il a déjà entendues, comme le tawaf, le sa'i, mais précisément, comment ça se passe, il sait pas. Même des gens qui ont appris le Hajj, tant qu'ils n'ont pas été sur place, ils ont du mal à assimiler c'est comment. On aura beau t'apprendre, c'est comme ça, t'arrives pas à concevoir, car t'as pas été sur place pour voir. Et des fois, la chose, on la voit immense, alors que des fois, sur place, c'était juste ça. Alhamdoulilah, ou comme des gens la salat, au début, ils se disent, la salat, ça a l'air trop compliqué. Je me rappelle, au début, moi, on me passait des livres pour apprendre à faire la salat. J'apprenais les afkars, tout ça, en phonétique. Je lisais dans les livres. Ça me paraissait difficile. J'ai été faire ça une fois en Jamara. Je fais, c'est ça la salat. Alhamdoulilah, c'est facile en fait. Mais le livre m'a rendu la chose plus compliquée. Tout seul, j'arrivais pas à saner. Quand je l'ai vu la salat devant moi en groupe, comment les gens la faisaient, le qiyam, recours, je relève de recours, soujoud, je fais, c'est juste ça. Alhamdoulilah, sahl. Après, il faut juste apprendre les termes. Apprendre les fatiha comme il faut. Apprendre les afkar qu'il faut, le tasbih, tout ça. Amalé, gestuel, très facile à faire. Alhamdoulilah ta'ala. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته جميع شريعته وشريعة أصولها وفروعها حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها ولم يترك البين عند الحاجة إليه أبدا. طيب ولم يترك البين عند الحاجة إليه أبدا. Le prophète صلى الله عليه وسلم a déjà tout clarifié à sa communauté parmi les أصول et parmi les فروع, les branches ou les fondements. Il nous a laissé sur une législation qui est claire, de jour comme de nuit, qui n'a jamais laissé un éclaircissement au moment du besoin. وَبَيَّنَهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِمَّا بِالْقَوْلِ أَوْ بِالْفِعْلِ أَوْ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ جَمِيعًا. Et qui sont بَيَّنَ, qu'il a fait, صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, soit par la parole, soit par l'acte, ou soit par les deux ensemble. مِثَلْ بَيَّنِهِ بِالْقَوْلِ إِخْبَارُهُ عَنْ أَنْصِبَةِ الزَّكَاةِ ومقاديرها كما في قول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر بيانا لمجمل قول الله تعالى واتوا الزكاة. مثلا de sa parole, une chose qui nous a éclairci, ce sont le nisab de la zakat. À quel moment la zakat, مثلا, doit être donnée et de quelle chose elle doit être donnée. Comme il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa parole, que tout ce que les cieux auront arrosé, on donne combien? Le dixième. La cinquième qu'il avait dit, on l'a déjà pris auparavant au début, tu te rappelles? Donc il a fait comprendre que le dixième, c'est ce qu'on donne de ce qu'on a comme récolte qui ont été arrosées par la pluie. C'est-à-dire, après on a encore eu un tarsis. Ça c'était un kalem am. Après on a eu d'autres tarsis qui sont venus par la suite, il a précisé. Quelles sont les choses de la terre qui sont de quoi on prend la zakat et combien on donne, à quel moment on donne. Et ça, c'est venu en éclaircissement de l'ijmel du côté vague qui est eu de la parole d'Allah dans le sens où il a dit et acquittez-vous de la zakat. Donc l'Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Fima saqat as-sama al-'ushr. C'est venu pour éclaircir. C'est pas un tarsis là, c'est un éclaircissement. On vous a dit, acquittez-vous de la zakat. Quelqu'un est dit, taïeb, combien je donne? De quoi je donne? À quel moment je donne? Donc la sunna est venue, elle a éclairci. Pas même, elle a éclairci. Et l'ijmel, on peut l'avoir dans le kitab, on peut avoir un tabin dans le kitab. Le Coran peut venir faire un tabin d'un ijmel dans le Coran. Tout comme la sunna, souvent est venue faire un éclaircissement du Coran. Et la sunna vient faire un tabin de la sunna également. Comme on l'a appris un petit peu avec le tarsis. Ça ressemble un peu. Le tarsis, pas forcément, parce que un kalem am, à la base, t'agis avec. Là, un kalem moujmel, t'agis pas avec. Ça se ressemble, mais c'est pas pareil. Des fois, un kalem am, t'agis avec, et de ce kalem am, t'as un tarsis, des choses qui sont spécifiées, qui en sortent, mafalan. Amala, un moujmel, c'est un kalem, il faut que tu le fasses, mais tu ne sais pas comment le faire. Donc t'as besoin de quoi? Un beyen. Comment je fais? Une fois que tu sais, khalas. Et après, ce beyen peut lui devenir am, qui a besoin d'un tarsis. Ou peut devenir mutlok, il a besoin d'un taqid. T'as son chevêtre, en fait. Fumakol, wa mithal beyenihi bil fi'l, قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بيانا مجمل قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت كما on a dit tout à l'heure. Parmi les choses qu'il a fait par les bayan, qu'il a fait par les afal, par les actes, qu'il a montré comment faire les rites du hajj devant sa umma. كما قال خذوا عني مناسككم, prenez de moi les rites pour le hajj. Et cela en venant éclaircir l'ijmal qui est pris dans la parole d'Allah dans ce sens où il dit, et que les gens doivent faire le hajj pour Allah à la maison. Donc là, ça revient, on a un ijmal. On doit faire le hajj. Mais comment on fait le hajj? Et par exemple, dans ce verset-là, on a un tarmim. Ala nas. Maintenant, c'est qui le nas? On a eu un tarsis. Ceux qui peuvent le faire. وَكَذَلِكَ صَلَاتُهُ الْكُسُوفُ عَلَى صِفَتِهَا وَيَفِي الْوَاقِعِ بَيَنِ مُجْمَلْ قُلِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَى سَلَمْ فَيْزَ رَأَيْتُمْ مِنَهَا شَيْئًا فَصَلُّوا. Également, il nous a appris comment faire salat al-kusuf. Comment la faire? Car il a eu un kelam qui était mujmal, صلى الله عليه وسلم, il a dit, si vous voyez, c'est-à-dire l'éclipse, alors faites la salat. Mais comment on l'a fait la salat? Est-ce qu'on l'a fait comme les autres salawat ou est-ce qu'elle est spéciale? Et après, lui, il a fait un bayan par ses actes en montrant comment faire salat al-kusuf. Et le salat al-kusuf, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans sa vie, n'a lu qu'une seule fois. Une seule fois, c'est arrivé. Et de là, les sahaba ont appris comment la faire. Pour la suite. Qala wa mithal bayanihi bil-qawl wal-fi'l. بيانه كيفية الصلاة فإن كان بالقول كما في حديث المسيف صلاته حيث قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأصبر الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر الحديث également la salat il nous a appris comment la faire le kifia la salat de base comme ce fut le hadith de Abi Huraira de cet homme qui faisait mal la salat le Nabi sallallahu alayhi wa lui a appris comment la faire ce qu'il lui a dit والذي بعث بالحق ما أرسلوا غيره. À chaque fois qu'il faisait la salat, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a qu'il l'ahu, il gère, fastalli, fait nekal l'aim tu salli. Recommence, fais ta salat, que tu n'as pas fait la salat. Il lui disait, au bout de trois fois, enseigne-moi, que, à part ce que je fais là, je ne sais pas comment faire. Et il lui a appris. Comment? Par le call. Et d'autres fois, il a appris par le fial. Comme il le cite maintenant le shir, pour aller ça. Comme il le cite, le shir lui-même par la suite, voyez, et il a dit quoi? Sallu kama ra'aytumuni usalli. Faites la salat comme vous m'avez vu la faire. Ce qui prouve qu'il l'a fait également pour montrer aux gens comment la faire. Non. Donc là, c'était ma yata'alaq bi al-mujmal wal-mujmal wal-mubayyin. Al-mujmal wal-mubayyin. فالآن سندخل في الظاهر والمؤول. الظاهر والمؤول. كذلك. Donc tu vois là, toutes ces branches que je viens de prendre là, elles se ressemblent un peu. Et elles se complètent les unes les autres. حتى الذي سنأخذ الآن. في شيء من الاشتباه. قال تعريف الظاهر لغة الواضح البين. Donc le ظاهر, c'est ce qui est clair en lui-même, qui est clarifié. وَاِسْتِلَاحًا مَدَلَّ بِنَفْسِهِ عَلَى مَعْنَى رَاجِحٍ مَعْ اِحْتِمَلَ غَيْرِهِ. Donc c'est quoi? Ce qu'on appelle une chose apparente, qui en lui-même t'indique le sens voulu, sur un sens prépondérant, tout en gardant une éventualité d'un autre sens. فهمت علي؟ مثاله قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأغذاء الأربعة على الصفات الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة. Donc مثلا le prophète صلى الله عليه وسلم l'a dit, faites l'ouzo de la viande de chameau, car l'ouzo, le raten, c'est النظافة, le fait de se nettoyer. Donc là, le sens de l'ouzo, l'oratin, quelqu'un pourrait croire, d'ailleurs certains ils ont interprété ce hadith, que faire l'ozo du l'arm du ibil, c'est juste en fait de se nettoyer. Par exemple, tu rinces la bouche ou quelque chose comme ça. Et là, le sens qui est apparent, c'est l'ozo qui est connu. Donc ça, c'est zahir. Avec irtimal, éventualité que ce soit un autre sens, le sens l'oraoui, le sens littéraire qui veut dire juste se nettoyer. Et non pas l'ozo tel qu'on le connaît, qui est l'odeur de la salade. Fahimt? Wahid yakullak, salli ala fulen. Salli ala fulen. Tiens, devant toi, mesalen, un cobre. Tu dis salli alayhi, fais la salade sur lui. Tu vas comprendre quoi en premier, toi? Salade janaza. Mais est-ce qu'il y a aussi un sens qu'on peut expliquer qu'il fait le fait de dua pour lui? Non. Car dans d'autres mawadir, c'est venu, salli alayhim. Fahim? Ça peut être le fait de faire dua pour eux. Mais le sens apparent, c'est quoi à la base? Il est devant toi, tu as un mort devant toi. Qu'est-ce que tu vas comprendre en premier lieu? Sa salat janaza. Ou quelqu'un pourrait croire aussi, salli alayhi, mana, dit sallallahu alayhi wa sallam. Car le salat à la reine Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fil hakika, ja'iza. Lakin, khilaf al-awla. Tu peux dire sallallahu alayhi wa sallam pour autre que l'anbiya. Mais ce qui est connu, c'est que c'est pour eux. C'est comme le fait de dire, radiallahu anhum, le taradhi. À la base, c'est pour les sahaba. Mais quelqu'un le dit pour que les sahaba, c'est pas haram sur lui. Il a le droit, mais on va dire, khilaf al-awla. À la base, ça c'est connu pour les sahaba. Tout comme la salat, c'est connu pour les anbiya. Demain, quelqu'un il vient et il dit sallallahu ala fulan. Sallallahu ala fulan. Pour faire le fait qu'Allah fasse son éloge. C'est pas haram sur lui. Bon, on va dire ce que tu dis là. Ça, ce n'est pas l'origine. Mais est-ce qu'on va dire qu'il a fait un péché? On va dire là. C'est mieux de délaisser. Non. Donc, quand on dit sallallahu ala fulan, l'apparent pour toi, ça va être quoi? C'est janaza sur lui. Qala. فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل لا يدل على المعنى بنفسه. Donc maintenant il dit qu'est-ce qui est exclu par notre parole lorsqu'on dit qui indique un sens en lui-même, c'est exclu quoi? Le mujmal. Car le mujmal lui il indique un sens à travers autre chose. À travers un autre une chose qui décrit une sifat ou un ta'yin, désignation ou un taqdir ou les alika. Ça ressemble à quoi ça comme définition? Si tu ne te rappelles pas quelque chose. Et d'où la ma'ana fi ghayrihi. Ah non, ça ressemble. À quoi ça ressemble? Ah, je pense que c'est bien. Ah, quoi? Harf. Oh, harf. Et le zahir, il ressemble à quoi? Au ism, au fial. Et d'où la ma'ana bi nafsihi. Sauf que lui, c'est ma yahtimel. C'est le ma'ana bi... Et d'où la ma'ana bi nafsihi. La ma'ana rajih, c'est-à-dire il y a ihtimal, éventualité, un autre ma'ana qui puisse être envisagé. Wa kharaja bi qawlina rajih al-mu'awwal, comme cela va venir. Li'annahu yadullu ala ma'ana marjuh lawla al-qarina. Et exclu par notre parole quand on dit rajih, ma'ana prépondérant, sens prépondérant, ça sort le mu'awwal, l'interpréter, comme on va le prendre par la suite. Car lui, le mu'awwal, il vient pour donner un sens qui, à la base, n'est pas le sens prépondérant. D'accord? Et ce sens non prépondérant a été trouvé par un indice, comme cela va arriver. Inch'Allah. قَالَ وَخَرَجَ بِكُولِنَا مَا اِحْتِمَلْ غَيْرِهِ النَّصْ السَّرِيحْ لِيَنَّا لَا يَحْتَمِلْ إِلَّا مَعْنَا وَاحِدًا. Et il dit, qu'est-ce qui exclut par notre parole un sens, par notre parole avec éventualité d'un autre sens? Ihtimal ghayrihi, cela exclut un nas as-salih, ce qu'on appelle un texte clair. Car le texte clair, lui, n'inclut qu'un seul sens et pas autre. Il n'est pas interprétable. Ce qu'on appelle un nas fi din, c'est un texte religieux qui n'inclut aucune interprétation, qui est pris sur son apparence directement, clairement. Et ça, on a plein de hadiths qui sont clairs en eux-mêmes. On appelle un nos, c'est un texte clair et limpide. Donc le sens est direct. قال العمل بظاهر العمل بظاهر. Donc comment on agit avec un texte qui est ظاهر? قال العمل بظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهري لأن هذه طريقة السلف ولأنه أحوط وأبرى للذمة وأقوى في التعبد والانقياد. Donc maintenant, c'est comment on agit avec un texte qui est ظاهر apparent? On prend l'apparent. Directement. Tant qu'on n'a pas une preuve qui le sort de son apparent. Une qalina qui le sort de son apparent. Et ça, c'était la voie des salafs. Car cela est plus prudent, voyez, et plus propre dans le ta'aboud et dans la soumission. Tu fais les choses comme on t'a dit de la faire. Sans interpréter, sans aller à droite ou à gauche. et ça te sort de beaucoup de situations. Mathalen, tu connais le madhab qu'on appelle Zahiri, comme Ibn Hazm, ou Daoud, ou Ghayr Zalika. C'est les gens qui prennent les textes en apparent. Comme ça, ça te sort de beaucoup de khilaf. Je prends le texte comme il est venu, classe. Mais des fois, tu es obligé de faire un ta'wil. Et eux, dessus, ils ont exagéré. Ce qu'ils ont reproché, c'est qu'ils ont pris trop de Zahir, des fois. Ils ont laissé un sens qui méritait d'être interprété. Et t'en as d'autres, c'est parti trop loin. Ils interprètent tout. Comme les Mu'attila, par exemple dans l'Asma wa Sifat, ou les Asha'ira, qui interprètent les Nusus dans l'Asma wa Sifat, et les Zalika. Et dans bien des textes qu'on a eu, des khilafs sont tombés dans la Ummah, à cause d'un quoi ? D'un ta'wil qui a été fait, là où il n'y a pas lieu de faire ta'wil. Il n'y a pas besoin de faire ta'wil. Donc c'est là que ça mène à beaucoup de divergences dans le fiqh, et les Zalika. Donc la base, c'est quoi ? Tu prends un zahir du texte. Adaw al-asl. Ta'alif al-mu'awwal. Maintenant, le mu'awwal, c'est ce qui est interprété. Al-mu'awwal al-lughatan min al-awl wa wa al-ruju'. C'est le retour vers une chose. Wa istilahan ma humila lafzuhu ala ma'na al-marjuh. Ce dont le terme a été compris d'un sens non prépondérant. Du sens qui n'est pas le premier qui est pris, qui n'est pas son apparent. Il va donner des exemples, Inch'Allah. فَقَرَّجَ بِكَوْلِنَا عَلَى مَعْنَ الْمَرْجُورِ النَّصْ وَالْظَوَيْرِ. Donc, exclu par notre parole un sens qui n'est pas son sens apparent et prépondérant, c'est exclu quoi ? Le nos, qui lui c'est un texte clair, et le ظَوَيْرِ qui est l'apparent. قَالَ وَأَمَّا النَّصْ فَلِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ إِلَى مَعْنَى وَاحِدًا وَأَمَّا الظَّاهِرُ فَلِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَعْنَى الرَّاجِحِ. Car le nos, il est exclu par ce sens-là du mot awwal, car il n'implique un seul sens. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, un seul sens. Et le ظَاهِر, c'est qu'à la base, il prend le sens qui est prépondérant, et non pas l'autre. قَالَ وَالْتَأْوِيلُ قِسْمَانِ صَحِيحٌ مَقْبُولٌ وَفَاسِدٌ مَرْدُودٌ. Donc le ta'wil, le fait de faire un texte mu'awwal, ce qu'on appelle l'interprétation, de deux sortes. Le ta'wil qui est valide, celui qui ne l'est pas et qui est rejeté. فَالصَّحِيح مَا دَلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ صَحِيح كَتَأْوِيل قُلِ اللَّهِ تَعَالَى وَاسْأَلِي الْقَرِيَةِ. Donc le sahih, c'est celui sur lequel on a une preuve claire qui nous appelle à interpréter. Comme la parole d'Allah, dans le sens où il dit, il demande à la contrée, au village. Il est ma'na, was'el, ahl al-qariya. Lienna al-qariya, nafsaha, la yumkin tujibuhu as-su'al ilayha. Donc là, ça a été interprété par quoi ? Demande à la contrée et demande aux gens de la contrée. Qu'il n'est pas possible qu'une contrée en elle-même te réponde. Donc là, on est obligé de faire un ta'wil. On a un indice qui te dit que le sens voulu par là, c'est les gens de la contrée. والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح كتأويل المعطلة قوله تعالى الرحمن على العرش استوى إلى معنى استوى والثواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل. Donc là maintenant c'est quoi le ta'wil qui est fasid, celui qui est nul, qui est faux, et celui qui n'a pas de preuve à l'appui, comme le ta'wil des mu'attila, ceux qui suppriment les asma wa sifat. Dans la part d'Allah, dans le sens où il dit, le Rahman al-Arash istawa, qui s'est instauré sur le trône. Et ils ont fait un ta'wil de istawa par istawla. Istawla, c'est le fait de conquérir un lieu, s'instaurer sur un lieu en le prenant de force. S'accaparer d'un lieu. Et ils ont dit, et ça qui veut dire, c'est pas istawa, c'est istawla. Et ça s'appelle un tahrif. Ils ont altéré le sens. Car ils appellent ça ta'wil, et en vrai, c'est un tahrif. Donc, pour revenir à ce que le shiril dit, que istawa, à la réalité, c'est un sens de quoi ? De ulou, élévation, istikrar, instauration. Sans takif, sans chercher le comment, mais il y a un comment, mais nous, on ne le cherche pas. Et sans tamthil, sans chercher à quoi ? À comparer à celui de la créature. Allah, son istiwa, elle est comme lui le veut. Et nous, le sens istawa, on le connaît. pas besoin d'interpréter. Mais également, on n'a pas cherché le comment. Donc tu regardes bien, ce bab-là rentre même dans quoi ? Asma ou Sifat. Bab du Ta'wil. Et ça, tu rentres dans Tadmouria, on va en reparler. Ta'wil. Ça va venir, Inch'Allah. Donc eux, ce qu'ils ont fait là, en disant Staoula, c'est un tahrif. Altération de texte, comme les faisaient les juifs. Yuharifun de kalima an muwadiri. Comme les juifs faisaient. Et le tahrif peut être soit par le sens du mot, ou soit par le terme en lui-même. Et ils ont fait quoi ? Le terme. Ils ont changé le mot Stawa par Staoula. Ils ont carrément changé le mot. Comme les juifs, ils ont fait Puhitta, ils ont dit Hinta. L'un veut dire pardon, et Hinta, l'autre, ça veut dire je crois que c'est du blé. Waqulu Hittatun, narfilakum khatayakum. Dites pardon. Ils ont changé Hitta par Hinta, avec un Nun. C'est de la moquerie. Et je crois que Hinta, c'est de l'orge, du blé. Non. Donc le ta'wil, un ta'wil, on le fait quand ? Quand on a une qarina, un indice qui nous montre que là, on peut faire un ta'wil. Et les exemples, Inch'Allah, on les prendra dans Tadmouriya, Inch'Allah. Il y en a plein qui vont arriver. Là, on ne s'attarde pas. On a juste voulu prendre le mu'awwal. Le mu'awwal, c'est celui qui a reçu un ta'wil. Le ta'wil, c'est quoi ? C'est le fait d'interpréter une chose. Donc, ne pas confondre entre ta'wil shari'i et tahrif bid'i au kufri. Tahrif, c'est ce qu'on font les gens de la bid'a. Qu'ils appellent ça ta'wil. Ils disent, nous, on l'interprète. Comme ils font la asha'ira avec l'asma wa sifat. On dit, non, c'est pas un ta'wil que vous faites. Vous, c'est un tahrif. Vous avez changé les textes. Vous avez sorti les textes de leur contexte réel pour arriver à un sens qui est faux, qui peut être bid'i, qui peut être kufri même. Bihaz. D'accord ? Aujourd'hui, on a pris le mujmal et le mubayyin et on a pris al-zahir wal-mu'awwal. Tant même ? Ma foumada ? فإلى هنا والحمد لله رب العالمين